Un texte, un réveil. Voilà mon plan, ce boob. Freestyle devant la glace, ils font du lourd, moi j'en vends le double. Quelques sons et me voilà encore dans le doute. Dois-je rapper pour les putes, tous les meufs bien qui m'entourent. Dieu, pourquoi la chatte a autant de goût? Pourquoi mon kiff est seulement quand je touche des jambes douces? Ce qui est sûr, c'est que le sexe me ramène dans le gouffre. Je rappe pour vous les gars, tout en me voyant dans son boule. Esprit Renoir, pour ça que je prends le mic bien. Que moi et mes boules, et voilà pourquoi ça sonne dingue. À croire que je me suis trompé de public, à voir vos gueules. J'ai l'impression qu'on peut plus rien dire, mais écoute. Musique dans les écouteurs, je crache sur le monde qui me gave à ce moment et perce cette année, voilà le mot d'ordre. Le mot d'homme ou le mot de passe. Parce qu'y a pas d'histoire de crew, c'est juste le sens d'elle c'est dès que je parle. Et c'est parti, musique aux cicatrices. Je pèse aussi le passé car le futur me fera des gâteries. Meuf propre, fraîche, qui vient de Jamaïque ou d'Afrique. Car je kiffe pas les blanches comme Zemmour kiffe pas les sons de batterie. Mais ce qui compte c'est qui peut se combattre pour moi, qui se montre, qui pense comme moi et puis s'en bat les couilles quiconque. Ils me cherchent des histoires, voilà le délire. Encore des putes qui comprennent pas que j'écris des textes et pas des livres. Je me sens dur, ça m'arrive rarement, je t'avoue. C'est que quand je parle de religion que je me dis que là j'abuse. Car je fais du rap lourd pour des causes légères déjà d'une. Et que ça change des sons que t'écoutes en radio et qui présentent des lacunes. Je sais pas parler d'autre chose que de moi. Et je fais pas des sons, ah là je te kiffe vu que là mon consulte pas. Ben oui mon son suce pas, tu trouveras ça nulle part. C'est comme chercher de putain de PD qui s'encule pas. C'est BL, signé du bout de la mine. Et si la mort me fait pas peur, je vois pas pourquoi la vie me le ferait aussi. Je tente le diable en voulant lui demander son 06. La fille veut mon argent pendant que son gars lui voudrait faire un feat. C'est chaud car son foutu gars insiste. Et y'aura jamais de mec comme moi dans cette foutue galaxie. Les gars m'assistent quand les putes mastiquent. Et je préfère 10 meufs à une bien sûr d'un point de vue mathématique. Remise en question à chaque déprime. Mec achat de ramien bien pire donc j'écoute pas de MC Kleenex. Je les imagine même en train d'écrire leur vie de banlieue et commerciale sans même leur ramener un peu de fric. Mais je me sens à part de tous ces gens qui me ralentissent. Et si tu me suis pas, je laisserai des traces si t'es motivé. Un talent génétique il faut bien garder. Mes enfants sont pas nés, ma avant d'être ils seront gâtés. Je garde le rythme et je t'avoue, je le plains du cas. Paris, on s'en bat les couilles comme d'où tu viens. Saka, paré du rap et ses douleurs coup de poing. Je passe pas maintenant, mais le Seigneur couleur rouge du moins. C'est ce que je vois et je précise. Ferme ta gueule vu que j'écris. L'inspire vient pas souvent comme le 3-4 de ces imbéciles. Leur prédiction fait que je suis là. Le manque de chance de cœur me pique et fait de moi que je suis là. C'est clair, fils, terrain interdit. Pas tout le monde qui pense son cul sur foutu rap en déposant sa merde en plein vide. Je compte plus le buzz, garçon. Sachez qu'avec des millions de clics, ils resteront dans le délai franc-maçon. Et ça change rien, vos choix, vos envies et pensez à la con. Y'a que les langues de pute qui chatent pour assurer leur compte. Ma vie est la tienne, oui, c'est ça mon thème. Et si tu veux des cours de rap, tu sais que c'est par ici qu'on t'aide.